hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, vous êtes avec le CSPCR. Quand nous rentrons de la montagne. La jungle des luttes. Donc aujourd'hui, on est avec Greg. Merci à David pour la technique. Et donc, on va un peu dans la suite du mois de juillet où on était allé au forum contre les grands projets imposés et inutiles et imposés, JP2I. Où on avait un peu parlé du forum, de ce qui s'était passé, de ce qu'on y avait fait, de ce qu'on y avait vu. Et là, aujourd'hui, on voudrait plus précisément se concentrer sur justement Notre-Dame-des-Landes et sur la lutte qui est menée là-bas depuis plusieurs années. On en a déjà parlé, donc avec eux, en fait, on a fait un interview. Donc avec eux, on va pouvoir un petit peu, pas forcément reprendre la lutte, mais en tous les cas, savoir un petit peu ce qu'il en est, où ils en sont, et puis surtout les rencontrer. Donc on les a rencontrés, donc c'était début juillet, donc on était sur place, on entendra les petits oiseaux, etc. etc. Il y aura Greg qui vous présentera à chaque fois les petits morceaux d'interview. Entre temps, on aura des petites pauses musicales. À Greg, merci. Bonsoir, merci de rien. Et donc du coup, on va peut-être se mettre un petit morceau de musique avant d'entrer dans le monde de Notre-Dame-des-Landes. Donc un petit morceau qui est péchu, puis après on arrivera avec les petits oiseaux. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizain daria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparato erroiduak engrasatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotu, Samurtasuna eta zerrepegunea Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos Arriba los que luchan, brillan y zapatos Estamos 6.3 FPP, vous êtes avec le CSPCL, la jungle des luttes, CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas sans lutte. En général, on parle un peu des luttes au cours desquelles, les luttes qu'on rencontre au cours des activités que mène le CSPCL ou bien les gens qui viennent aussi au comité et qui du coup nous partagent leurs luttes. On parle aussi souvent de l'information sur le Mexique et les apatistes notamment. Et là, donc aujourd'hui, on est plutôt sur Notre-Dame-des-Landes, donc dans la région de Nantes, le projet d'aéroport international, donc contre lequel des gens se mobilisent. Et il y a eu l'organisation donc d'un forum de teneur européenne au début juillet. Et donc c'était avec un intitulé grand projet inutile et imposé. Donc voilà, on a fait un enregistrement avec les gens qui sont là-bas sur place, et du coup, je te laisse, Greg, présenter un peu ce qu'on va écouter. Effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer un petit groupe de gens qui sont donc des occupants de la zone sur laquelle va s'implanter le futur aéroport, qui nous ont un peu parlé de ce qu'était leur lutte à eux, de ce qui se passait pour eux, de quel type d'action ils pouvaient mettre en œuvre, et aussi un peu plus de ce qu'était la réalité de vivre sur la zone, en termes notamment de lien avec nos très chères autorités, quel que soit le type de représentation que ça peut être. Donc voilà, il y a une première partie de l'interview, c'est un peu une présentation de l'événement, de la situation, de où ils en sont, etc. Et un peu de la répression auquel ils ont eu à faire face dernièrement, qui est a priori assez virulente. Donc on va commencer avec cette première partie. Et donc, on vous rappelle que vous pouvez éventuellement nous réécouter le jeudi matin. Ouais. Et donc également sur le site du CSPCL, on poste les émissions. Et donc on va écouter cette première partie d'interview. Bonjour. Oui, donc on est ici, on est à Notre-Dame-des-Landes. Et puis du coup, on voulait vous parler du projet d'aéroport. Du coup, comme beaucoup de gens, on est en lutte contre ce projet depuis un certain temps. Et du coup, le contexte, nous, on est dans le rassemblement qui est organisé tous les ans par la coordination des associations opposées à l'aéroport. Et le projet continue d'avancer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de personne qui a été expulsée sur la zone. Mais les travaux continuent, il y a des forages, il y a des études du sol, il y a des études de la faune, de la flore, des zones humides. Il y a le juge de l'expropriation qui passe toutes les semaines pour évaluer les compensations à donner aux agriculteurs. Et la zone est régulièrement quadrillée par les forces de police. Mais ce qui a été mis en œuvre, c'est qu'il y a une lutte depuis 40 ans. Enfin, le projet, il est né il y a plus de 40 ans, et ça fait plus de 40 ans qu'il y a une lutte ici et qui a sûrement vachement changé de forme au cours du temps. Au début, c'était plus les paysans. Je pense, de la part du reste de la population, le projet était plutôt accepté. Les années 70, le progrès, la modernité, c'est bien. Ça arrive à la campagne. Et les gens devaient être plutôt favorables. Et depuis les années 2000, il y a plus... une organisation ou des organisations citoyennes, en fait, citoyennistes qui luttent contre ce projet. Et il y a des gens qui se sont séparés de ces organisations-là et qui sont organisés de leur côté et qui ont lancé, il y a 4 ans, un premier appel à occuper la zone. Parce que la zone, elle est exploitée au niveau agricole, mais il y a quand même quelques friches et espaces laissés à l'abandon, des maisons qui étaient abandonnées aussi. Du coup, c'était un appel à venir habiter ici, à être nombreux ici. C'est pas une zone où il y a des milliers d'habitants, en fait. C'est situé entre des bourgs et il y a des habitations dispersées. Et suite au camp Action Climat de l'été 2009, il y a des gens qui ont commencé... déjà avant, il y avait eu une occupation, mais beaucoup plus massivement à ce moment-là, à venir occuper la zone. et bah, tranquillement pendant 3 ans, mais ce qui fait qu'on est rendu maintenant à une trentaine de lieux d'habitation occupés, plus des terres de maraîchage, une chèvrerie, enfin, pas mal de jardins, enfin de terres qui sont occupées pour des projets agricoles ou plus. Voilà, et du coup ça donne, maintenant c'est une lutte qui est, je dirais, de plus en plus vaste en fait, qui commence à avoir une résonance nationale aussi ou internationale, et avec énormément de groupes différents, de composantes, de groupes locaux, qui vont être, enfin dans des stratégies ou des idéologies différentes, enfin avec des raisons différentes de refuser ce truc-là, alors ça fait un merdier assez complexe et... Et avec énormément de trucs qui se passent dans tous les sens et qui proviennent pas forcément des mêmes groupes, en fait. Et au niveau de, je sais pas, au niveau de l'occupation, un des sens à venir habiter sur les zones, enfin, ou l'essence à venir habiter sur la zone, c'était de, bah, d'être sur le terrain et de connaître le terrain. Du coup, de pouvoir être là quand il y avait des travaux et empêcher physiquement. Et aussi de, bah, de l'occuper et de dire ici c'est chez nous et vous nous virerez pas, en fait. Cette zone doit vivre et doit pas devenir un aéroport. Et voilà. Et bah, du coup, ce que ça a donné comme... Bon, peut-être vous voulez parler, les autres. Ce que ça a donné comme action. Mais les premières années, il y a eu vachement un truc de s'opposer aux travaux. Il n'y a pas des gros travaux, il n'y a pas des bulldozers, en fait. Mais tu as des géomètres qui passent, qui sont assez discrets dans le bocage. Au début, les premières années, des... Je sais pas, des forages, des trucs comme ça. Et ça faisait un truc de, voilà, d'empêcher et de perturber ces trucs-là ou de les empêcher. Ce qui fait que maintenant, ils viennent toujours accompagnés de quelques escadrons de gendarmes mobiles, voire de CRS, et que c'est beaucoup plus dur de perturber les travaux. Et on est maintenant dans un moment de répression beaucoup plus fort qu'au début aussi. Ouais, tu peux en dire deux mots, du coup. Eh ben... C'est dur de sortir de chez nous sans qu'il y ait des arrestations. Bah, disons que ça fait 10 mois qu'il y a une série de procès, de petits procès en fait, d'arrestations et de petits procès. Enfin, je dis petits procès, c'est pas des trucs qui prennent une grande ampleur. C'est des gens qui vont se faire choper, qui donnent pas leur nom, qui donnent pas leur ADN et qui passent pour refus de fichage ou dégradation pour avoir balancé des œufs de peinture ou du fumier ou violence avec arme parce que t'as un couteau dans la poche, rébellion parce que c'est ce qui rapporte du pognon au fric dans les procès avec les dommages et intérêts, sûrement, ou outrage ou... Après, il y a une histoire là qui a pris un peu plus d'ampleur parce qu'il y a une action contre un local de Vinci où il y a des œufs de peinture et du fumier qui ont été balancés. Des gens ont été arrêtés sur parce qu'ils avaient balancé du fumier. En tout cas, ils ont été accusés de ça. Et là, ils doivent payer, il y a le rendu du procès, ils doivent payer autour de 5000 euros, 4000 et quelques euros entre des dommages et intérêts pour Vinci et des amendes pour dégradation. Donc, à la suite de ça, probablement une caisse de soutien aussi qui s'est montée. Et ouais. Laquelle on peut peut-être... Ouais, et une caisse de soutien, il y a moyen d'amener de l'argent pour ce procès-là ou pour d'autres. Il y en a des quantités. Et je sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui avait là le nom du site qui... Il y a un site internet où il doit y avoir les références d'un compte en banque, probablement. Il y a un comité de soutien, en fait, en plus qu'une caisse de soutien, peut-être... raconter un peu. Oui, le comité de soutien, il s'est monté après l'arrestation des copains et des copines en Loire-Atlantique là, en novembre. Il s'est monté le 1er décembre. Et bon, on a préparé la mobilisation et en fait, il y a toute une kyrielle de procès qui nous sont tombés sur le dos parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en attente de procès. Et du coup, bon, on a pris un certain rythme de croisière. Là, actuellement, mai-juin, il y avait un procès par semaine. Hein, ça tombait dur. Bon, là, on essaie de récupérer des sous, forcément, pour aider les copains. Et puis, on se prépare à la suite, quoi, parce que la suite s'annonce copieuse. C'est-à-dire ? Ben, nous, au comité de soutien, on a, bon, ce qu'on en pense, hein, on est plutôt sur Nantes. On pense que ça va... La répression va s'intensifier, quoi. Alors, la question, c'est de savoir quand. Parce que quand est-ce qu'ils vont vouloir porter l'offensive ? Il y a différentes analyses, quoi. Ils pourraient très bien, par exemple, se mettre la pression à partir de la mi-juillet ou à partir de début août, quoi, quand il y a moins de monde. Et puis ce rassemblement là qui actuellement, bon ben, il va s'estomper dans les mémoires des gens. Donc ils pourraient décider de virer un certain nombre de squatteurs. Et puis ça pourrait être une première étape. Mais par contre, il y a aussi des gens qui pensent qu'ils vont rien faire parce que il y a une manifestation de réoccupation qui se prépare depuis longtemps. À la première expulsion de maison ou de cabane, clac, normalement, il y a une réoccupation qui va se faire dans le mois d'après, quoi. Et en fait, peut-être que Vinci et la préfecture, ils ont pas envie de se prêter à ce petit jeu-là qui redynamiserait, qui donnerait des échéances, qui nous permettrait de prendre l'initiative, quoi. Et ils vont peut-être attendre que ça pourrisse. Et au dernier moment, bloquer toutes les routes de la zone et écraser tout et là vraiment militariser de façon à ce que, bah, dire, la zone maintenant, elle est interdite et on fera notre loi, on l'imposera. Ça, au niveau économique, au niveau du fric, ça leur coûterait moins cher que de mener une guérilla pendant 2 ans plutôt que de bloquer tout à un moment donné. Après, la répression, pour moi, c'est pas uniquement ce truc d'avoir des procès, ça c'est un peu la partie... La petite partie qu'on voit de l'iceberg, mais c'est en tout cas quand tu habites dans le coin, un rapport quotidien de les gens qui sont locataires, enfin qui étaient locataires parce que les baux sont finis, et plutôt on est, enfin il y a de plus en plus de gens qui sont sans droit ni titre et squatteurs en fait. Il y a des pressions, ou les gens qui sont exploitants agricoles, il y a des pressions en permanence avec les types de AGO, du coup, Aéroports du Grand Ouest, qui doivent réaliser le projet, qui font du harcèlement pour récupérer les terres, pour récupérer les maisons et. Du harcèlement téléphonique, à venir, à jouer sur des... Mais vous avez des enfants, mais vous pouvez pas faire ça à vos enfants, faut que vous partiez, mais soyez raisonnable, soyez responsable, nan. Et ça, c'est des... Voilà, des trucs où t'es seul chez toi, et à 9h du soir, le téléphone sonne tous les soirs pour entendre des trucs comme ça, quoi. C'est la pression des flics qui sont là en permanence, de checkpoint, ou dès qu'il y a des travaux, en tout cas, ou des grosses manifs, ou quoi. C'est checkpoint à tous les carrefours... Et sur la pression aux propriétaires, c'est aussi des menaces, quoi. C'est tout le temps, de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, on va vous virer. Et que si vous acceptez maintenant que vous êtes raisonnable, vous aurez des compensations, on va vous racheter un bon prix. Et si vous vous entêtez, vous allez être juste exproprié, vous allez avoir pas grand chose en compensation. Et c'est dans votre intérêt de vendre maintenant. Et je crois il y a des gens qui tiennent toujours et qui sont décidés à jamais vendre, quitte à aller en expropriation. Mais il y a aussi des gens qui cèdent. Il y a aussi des gens qui... Ça fait comme une épée de Damoclès, en fait. Les gens, ça fait longtemps qu'ils se demandent un peu qu'est-ce qui va leur arriver, qui veulent plus vraiment faire des investissements sur du long terme parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir vraiment rester là. Et puis, je crois, ça fait... Ils arrivent à les avoir un peu à l'usure, quoi, parce que... Je pense que c'est éprouvant comme ça de rester à un endroit sans savoir si on peut s'y installer et puis vraiment se projeter dans du long terme, quoi. Ma faculté, bon moi, front moi, Yar mui kapaka twatse yola yola hila. Yar mui kapaka twatse yola yola hila. Yola yola hai yola yola hila. Masakuta shafrum wase yola yola hila. Kissing, kissing, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola. Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, émission mensuelle du CSPCL, Comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte. On est avec les occupants à Nantes, donc contre la construction de l'aéroport international, et donc on continue avec eux. Voilà, donc on a eu une petite présentation du contexte, de ce qui se passait sur place, de comment ils vivaient leur vie au quotidien sur la zone et les luttes qu'ils menaient. Il y a eu une actualité assez récente autour du projet d'aéroport qui a été ce que beaucoup de gens ont appelé un moratoire sur l'aéroport. Donc moratoire, on arrête tout et on réfléchit. Il y a des lectures assez différentes de cette avancée, donc moratoire qui est suite à différents événements, dont l'élection d'un nouveau gouvernement socialiste. Les occupants de la ZAD ont une vision un peu différente, comme beaucoup d'autres personnes, de ce qui se passe. Et du coup, ils vont nous en parler un petit peu de qu'est-ce que c'est exactement ce moratoire et qu'est-ce que c'est, à quoi il est dû et pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Allez, le moratoire. Bah, pour l'année 2012, il y a eu une énorme manif, enfin assez énorme, disons, et je sais pas, assez forte en tout cas sur Nantes le 24 mars, avant les élections présidentielles. Et direct après, du coup, les groupes paysans et citoyennistes, ils ont lancé une grève de la faim. Il y a plusieurs personnes qui sont mises en grève de la faim et ça a duré assez longtemps. C'était en fait un truc assez fort par plein d'aspects. Ils ont occupé une place dans Nantes, ramené des moutons, il y avait des caravanes dans tous les sens. Mais un truc de présence là dans Nantes qui fait que plein de gens sont passés. Il y a eu des moments, plein de moments de débat, de discussions, de rencontres qui étaient assez chouettes, et de petites actions, après des actions des fois juste d'inviter des journaux pour faire des déclarations, des José Bové et des gens comme ça, mais aussi de pouvoir aller bloquer des meetings de Jean-Marc Ayrault, par exemple, ou d'autres connards de son espèce. Et du coup, cette grève de la faim, elle a duré 28 jours. Et voilà, Hollande est passé. Et en fait, ils faisaient ça au début, c'était... L'objectif affiché là, c'était de faire pression sur les politiques pendant la période d'élection. Et d'obtenir. Moi, j'ai jamais bien compris exactement tout ce qu'était leur liste de revendications là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y avait ce truc d'abrogation de la DUP, c'est la déclaration d'utilité publique, et c'est vraiment le moment, administratif ou quoi, où le projet il est validé et où il passe dans un truc de réalisation concrète, quoi. Ça a eu lieu en 2008, la DUP, du coup, ils voulaient l'abrogation de la DUP. Si ça s'était passé, effectivement, ça aurait arrêté le projet. Mais du coup, juste avant le deuxième tour, il y a Hollande qui a fait des promesses. Et ils en sont arrivés à un accord pour retarder les expulsions des paysans. de dire pour tous les paysans qui refusent, qu'on refusait jusqu'à maintenant de quitter leur terre et qu'on refusait d'avoir un accord avec AGO, ils pourront rester jusqu'à la fin des recours juridiques qui sont déposés devant la cour de cassation et je sais pas quelle autre cour. Du coup, ce qui laisse 2 ans à peu près, enfin le temps que ces procès se fassent et s'est rendu, ce serait à peu près 2 ans, c'est assez flou. Du coup, ça devait concerner 11 exploitations agricoles. Les gens ont râlé du comité de soutien de la grève des grévistes de la faim, ça a râlé un peu et ce truc-là a été appliqué aussi, est soi-disant applicable aux habitants qui avaient des baux en fait, qui avaient des baux de location et du coup, en tout cas, ça laisse de côté la majeure partie des habitants de la zone qui sont les squatteurs. Et après médiatiquement c'est passé assez comme une victoire pour la lutte, la première victoire, la première fois que en face ils font un petit peu marche arrière, ce qui est vrai, c'est sûrement la première fois qu'ils font une marche arrière comme ça en face. Mais en même temps, ça paraît pas comme une énorme marche arrière parce que en fait dans les 2 ans qui viennent là, ils ont pas de travaux à faire sur la zone qui nécessitent qu'il y ait plus d'habitants. Ils n'ont pas besoin de faire les expulsions dans les 2 ans qui viennent. Les gros travaux, c'est en 2014. Du coup, ça leur coûte pas grand-chose en termes de l'avancée des travaux. Et y a un côté qui leur apporte gros que le PS arrive au pouvoir et fait ces espèces de gestes de seigneur sympathique là, on vous accorde une petite miette là-dessus, 20 balles de plus sur le SMIC, mais c'est une avance, je sais pas quoi sur leur retraite. Enfin, je pense pour le PS, c'était assez chiant d'accéder au pouvoir avec une grève de la faim de 28 jours dans les pattes. Et puis médiatiser et tout, oui, dans la région de Jean-Marc Ayrault. Enfin, ça faisait pas un truc facile, et je pense que ça leur rapporte assez, eux, de faire un petit geste comme ça, mais qui est juste rien. Bah, ici, je pense que ça compte beaucoup pour des gens qui habitent ici, pour certaines personnes, de se dire, il y a 2 ans à souffler, parce qu'il faut voir la pression. Bah, pour des gens qui, en fait, devaient partir à la fin de l'année, qui ont des exploitations agricoles, et qui n'ont pas cherché, en fait, d'autres trucs, qu'on dit on reste, et qui n'ont pas de solution de repli, ou j'en sais rien. Du coup, je pense que ça compte pour la vie de gens ici, mais pas énormément de gens, et en face, je pense. Il n'y a rien qui, de toute façon, ils n'ont pas reculé sur la question de l'aéroport. Mais non, il faut bien se rendre compte que c'est tout sauf un moratoire, qu'en fait, ils disent juste, on va continuer les expropriations, on va continuer les procès, on va tout continuer, et on va juste, s'ils tiennent leurs engagements, le seul truc qu'ils s'engagent à faire, c'est de pas envoyer les flics pour virer physiquement les gens qui avaient une situation légale avant la déclaration d'utilité publique en 2008. Et ils s'engagent uniquement à ça. Il y a eu des commentaires des pontes du PS local, je sais plus qui dit on repart cet accord, on remet pas du tout en question le projet d'aéroport, juste on fait un aménagement humain pour la période difficile à gérer des expulsions quoi. Et ça, c'est les commentaires qu'ils font eux-mêmes quoi. Imaginer que de toute façon les agriculteurs, s'ils sont pas expulsés physiquement, ils pourront peut-être se sentir un petit peu seuls si le reste des habitants illégaux sont tous expulsés, peut-être que ça va faire un petit coup au moral et que peut-être qu'ils verront peut-être pas les flics dans les 2 ans à venir, mais je sais pas, moi je vais pas préjuger de leur morale, mais c'est quand même bien d'être du monde sur la zone quoi. C'est complexe quand même parce que il faut quand même bien analyser ce qui s'est passé le 24 mars et pendant la grève de la faim où on a vu quand même autour de 200 tracteurs qui ont convergé de tout le département et même au-delà. En centre-ville de Nantes, ce qui démontrait, on est quand même quand on est agriculteur, le printemps c'est un moment clé, parce que c'est là où on arrive à faire le chiffre d'affaires ou pas, le chiffre d'affaires de l'année ou pas quoi. Et donc utiliser un tracteur, le déplacer de 30 ou 40 bornes pour venir manifester à Nantes, ça démontre quand même qu'il y a un écho au niveau de la population rurale en Loire-Atlantique qui est certain, et très fort. Bien sûr, on peut dire que l'élection à la Chambre d'agriculture, c'est en janvier 2013, et que la Confédération paysanne 44 a intérêt à faire boum boum sur la grosse caisse. Mais néanmoins, les gens, ils se déplacent pas comme ça, si facilement que ça. Et ça, il y a un vrai écho, dans les campagnes. Et je pense que Ayrault est suffisamment intelligent pour se méfier de ce qui se passe en Loire-Atlantique. Faut quand même souvenir que c'est le foyer historique des paysans travailleurs, dans les années 60. C'est là qu'il y a eu des très grandes luttes avec des choses incroyables aujourd'hui, inconcevables, hein. On a plus la mémoire de ce qui s'était fait, quoi. Et, ça remonte à pas longtemps, quoi. Et il se méfie quand même. Donc il y a, pour le pouvoir, quand même, il sent quand même que le terrain peut être miné parce que il y a la réponse du département qui est difficile à apprécier, quoi. Et l'autre truc par rapport à l'accord, c'est que c'est un gel des expulsions, mais pas du tout des procédures. Ce qui fait que, par exemple, là, en ce moment, il y a des habitants qui avaient des baux avant 2008 et qui passent en procès. Et c'est des décisions de justice qui fait qu'ils seront expulsables. Et aussi bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils... Ok, ils vont pas être expulsés d'ici 2 ans, mais par contre, ils seront expulsables avec des amendes à payer tous les jours, parce que le juge peut très bien demander ça. Enfin, disons, AGO, pour le procès, demande ça, demande 100 € par jour de présence, en plus de la date que le juge donnerait pour quitter les lieux, en fait. Et, en fait, ce qui est une manière de faire partir les gens, de toute façon, même si c'est pas une expulsion par les flics. Et je pense, ici, on peut parler d'expulsion... même s'il n'y a pas les flics qui viennent, enfin, beaucoup de gens ils partent parce qu'ils ont juste trop la pression, et il y a la pression en permanence, et que c'est des départs de force, en fait. Il faut quand même se souvenir de l'exemple récent du procès des 5 paysans accusés d'avoir lancé du fumier, paysans et paysannes qui ont lancé du fumier sur le siège de Vinci Aéroport Grand Ouest à Couëron, en fait, où Vinci a centralisé ses bureaux d'études et architectes, etc., ingénieurs, etc. Et donc Vinci, au départ, déclarait demander 40 000 € de dommages. Et en fait, l'avocat de Vinci au procès ne demandait plus que 3 000 €, quoi. Donc, ils sont habitués aussi à jouer sur les échos médiatiques, hein. Là, une astreinte par jour de présence sur une maison expulsée, quoi. Ça peut être aussi une façon de, ils jouent là-dessus, quoi. De la même façon que le lendemain même de l'appel, de l'accord qui a donné la fin, qui a cessé la grève de la faim, quoi. Ils sont intervenus chez une personne, une famille de la ZAD, à 9h30, 10h, pour essayer de rentrer et négocier, quoi. Histoire de bien remettre la pression juste après le lendemain de l'accord, quoi. Donc, Vinci, ils sont quand même très, très... Ils doivent avoir une cellule spécifique qui analyse un peu les actions médiatiques, l'écho dans les médias, tout ça, etc., quoi. Oui, ouais. Donc faut vraiment analyser ça comme ça, je pense. Sinon, on a du mal à comprendre pourquoi, à un moment donné, ils avancent, ils reculent. Après, c'est que Vinci ne sont pas partie prenante de cet accord. Parce que ceux qui sont en face, du côté du pouvoir, ceux qui sont partie prenante de cet accord, c'est ceux qui n'ont plus rien à voir dans cette histoire-là. Hein. C'est Nantes Métropole, le département et la région. Alors que les expulsions, ici, elles dépendent de AGO, qui va lancer les procédures, et de la préfecture, qui va décider d'expulser ou pas. Du coup, ça ressemble quand même salement à du flan, ce truc. Oui, peut-être. C'est vrai que, concrètement, alors, c'est le problème du juridique et du politique. Ça, tu as tout à fait raison. C'est comme ça. Mais en même temps, le vrai pouvoir... Ici, c'est une volonté politique qui implante l'aéroport. C'est la, comment dire, la communauté de communes. Enfin, c'est Nantes Métropole, quoi. Et puis maintenant, c'est plus Nantes seulement, c'est Nantes Saint-Nazaire. Ça y est, ça a été au niveau administratif, c'est fusionné. Il y a, je sais pas combien de communes. Donc c'est un poids démographique, financier, économique, politique. Et c'est vrai que la décision, la volonté, elle est politique. Donc c'est là qu'il y avait le vrai pouvoir, quoi. Et je pense aussi la question de cet accord-là, quand on a commencé à parler de moratoire, c'est pas le PS qui a parlé de moratoire, c'est pas les gens qui ont fait cet accord, c'est plus des opposants à l'aéroport. Et je pense peut-être là, on n'est pas d'accord aussi entre nous sur les stratégies. Je pense que c'est une stratégie un peu triomphaliste ou optimiste, en fait, d'annoncer des victoires en espérant que ça redonne de la force. Et puis d'un autre côté, on est d'autres personnes à penser plutôt que ça peut aussi démobiliser, de se dire bon bah c'est bon, c'est réglé cette question, on peut moins s'en préoccuper pendant un certain temps parce que ça y est c'est gagné, ou alors c'est gagné pendant un certain temps, alors que apparemment ça paraît pas gagné. Mais je pense que la question elle peut se poser de savoir est-ce que de temps en temps on a envie d'affirmer d'avoir eu des victoires, ou est-ce que on a envie de temporiser un peu, ou de dire bah en fait les relativiser un peu ces victoires là Et puis on pourrait aussi analyser peut-être plus finement en se disant fondamentalement ils ont lâché sur une grève de la faim, non violence, gna gna gna, etc., hein, ça c'est efficace. Et à côté de ça, au Chefren ou à Valogne, boum, on sort la grosse artillerie et on casse la tête des gens, et puis on colle la SNCF demande 160 000 € au porte-parole du Rassemblement de Valogne, quoi. Donc c'est aussi des messages qui sont envoyés à une mouvance politique qui se mobilise contre les grands projets, quoi. C'est... yaka tra don de carado, chaga tra la tre la tra la yaka tre di gida. No querada si terago, si catarado, mi mirago, chaga tra la tre la tra la yaka tre di gida. Paris pluriel. On continue, on est donc toujours avec les occupants de la ZAD dans la région de Nantes, donc des gens qui luttent contre l'implantation d'un aéroport international depuis déjà longtemps. Donc on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a déjà écouté, pour ceux qui n'étaient pas là et qui nous rejoignent, quelques paroles et on continue. Voilà, donc notre rencontre avec donc les occupants de la ZAD, ça a été dans le cadre de ce forum contre les grands projets inutiles imposés qui avait lieu sur le site et qui a regroupé plein de gens de sensibilités politiques différentes qui avaient une vision probablement aussi parfois un peu différente des objectifs de la lutte, de ce que ça impliquait, de contre quoi on luttait, etc. Et donc c'est une question qu'on a posée à ces personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer, c'est quelles sont les perspectives de convergence, comment ça se passe dans les faits, qu'est-ce qui se passe entre différents groupes qui ont tel ou tel objectif. Donc voilà ce qu'ils en pensent. Ben, moi j'ai l'impression qu'ici on a quand même assez un truc, ou en tout cas dans ce moment-là de la lutte, il y a quand même, j'ai l'impression, la majorité des forces qui sont d'accord sur un truc minimum de non à l'aéroport. Et après avec bien sûr ceux qui de toute façon disent oui un jour et disent le contraire le lendemain, comme Europe Écologie Les Verts. Mais même des associations les plus citoyennes à une opposition peut-être plus radicale et dans l'action directe. C'est un truc minimum qui me paraît être un accord actuellement ici, qui est non à l'aéroport et pas un truc d'aménagement. Ça va peut-être changer un jour, quoi. Mais du coup, ça fait une base sur laquelle se construisent des tentatives de convergence ou de s'organiser en commun sur des actions et plein de moments aussi où il y a des désaccords sur les façons de faire, sur les façons de voir les choses et surtout ce qui va au-delà du non à l'aéroport. Parce que on est beaucoup là à porter ce qu'on dit souvent, c'est non à l'aéroport et à son monde. Mais en fait, finalement, si pour beaucoup d'entre nous, je crois, si on est là, c'est pas tant pour s'opposer à un projet d'aéroport, mais pour s'opposer à ce projet-là comme un levier concret dans une lutte contre le capitalisme, l'État et les institutions, quoi. Et c'est peut-être là plus que moi je vois un point de divergence, que peut-être le truc sur lequel on est à peu près tous d'accord, c'est non à l'aéroport. Et puis après, les points où il y a des divergences et où des fois on fait des trucs ensemble et des fois ça clash plus, c'est le reste, quoi. Est-ce qu'on est juste non à l'aéroport, ni ici ni ailleurs, comme le porte la coordination des associations opposées à l'aéroport? Ou est-ce qu'on est contre l'aéroport comme une symbole et une conséquence de l'organisation de ce monde, d'une part, et d'autre part, sur les moyens d'action? Est-ce qu'on pense qu'on va gagner en faisant pression sur les institutions, ou est-ce qu'on pense qu'on va gagner en tentant d'empêcher concrètement les travaux sur le terrain et par une opposition plus physique qui va du mouvement d'occupation aux manifs pour empêcher les travaux ou au sabotage plus clandestin? Je pense que c'est plus là, moi, que je verrais des points de divergence. Et que peut-être heureusement, et c'est encore un endroit où, non à l'aéroport, ni ici, ni ailleurs, c'est le truc minimum sur lequel la plupart des gens sont d'accord, quoi. Après, si on veut parler des différents groupes, quand on essaye de voir un petit peu les forces qui sont en présence, je pense qu'on est obligé d'admettre que c'est vraiment le bordel, qu'il y a des groupes qui s'organisent dans plein de sens différents, et que c'est peut-être ça un peu qui est chouette aussi, parce que du coup, il y a une multiplicité un peu des angles d'attaque. Mais ça, je me demande si c'est un truc qui est très visible de l'extérieur, parce qu'on n'est pas tous très forts en communication. Et il y a une partie de la communication, il y a un gros travail qui est fait par la CIPA, qui est l'association un peu historique contre l'aéroport. Et c'est vrai que de l'extérieur, il y a peut-être souvent une image un peu unie de qui parlerait par la voix de la CIPA, en fait, de où est-ce que ça en est dans la lutte de l'aéroport, qu'est-ce qui se passe. Avec beaucoup, du coup, la CIPA, elle a beaucoup travaillé sur les recours juridiques, sur le lobbying auprès des élus, et aussi sur des réunions d'information, un peu sur des arguments techniques, reprendre point par point les argumentaires des porteurs du projet en disant l'aéroport il est pas saturé, celui qui existe déjà. On pourrait l'aménager de façon différente, de dire que pour le bruit dont se plaignent les Nantais, il y aurait des moyens d'avoir d'autres procédures d'atterrissage qui feraient moins de bruit. Enfin, vraiment un argumentaire qui se base sur des données techniques. Et à côté de ça, il y a plein d'autres groupes qui s'organisent. Il y a la coordination des associations, elle est un peu issue de la CIPA. Donc, je pense que c'est la CIPA qui avait proposé à plein d'associations de se réunir en coordination. Donc, la CIPA fait partie de cette coordination et je pense que c'est un peu moteur là-dedans. Et puis, à côté de ça, il y a des habitants. Il y a un groupe qui s'appelle Les Habitants qui Résistent, qui se sont un peu démarqués de la CIPA et puis qui portent leur propre discours. Il y a le mouvement d'occupation qui, pareil, est assez multiple aussi, en fait. Nous, là, parmi les gens à être en train de discuter, on est plusieurs à faire partie de ce truc-là. Et on est peut-être à une certaine facette de ce mouvement d'occupation, parce que le mouvement d'occupation lui-même, il est assez pluriel, avec des intérêts différents, des gens qui veulent... avant tout lutter contre l'aéroport et le monde qui va avec. D'autres gens qui pensent que c'est aussi le fait d'être là sur la zone, c'est aussi l'opportunité d'expérimenter des alternatives, de faire de l'autogestion. Et je sais pas, je pense des sensibilités différentes en fait dans ces trucs-là. Et puis tout ça arrive de temps en temps bien à fonctionner ensemble. De temps en temps, il y a des conflits aussi. Pas encore trop au sein du mouvement des occupations, mais peut-être entre nous et puis la CIPA, la coordination. Des fois ça se passe bien, on fait des initiatives ensemble, des fois c'est un peu plus compliqué. Je me rappelle, on a fait une grande manifestation ensemble le 24 mars, et je crois qu'il y avait un truc qui était assez révélateur aussi des divergences qu'on avait, c'est dans la manière de s'organiser en fait. Eux ils nous reprochaient, ils disaient qu'on prenait beaucoup de place en fait dans les décisions, alors que on représentait que nous-mêmes et qu'il y avait plein d'orgas qui étaient présentes, où les gens ils étaient deux ou trois mais qui représentaient des orgas qui avaient des centaines, des milliers d'adhérents, et que du coup eux ils trouvaient ça pas très juste qu'on prenne autant de place alors qu'on représentait personne d'autre que nous-mêmes. Et puis nous de notre côté on disait un peu, mais nous on vit là au quotidien, on lutte tous les jours, on passe tout notre temps et toute notre vie à lutter contre l'aéroport, et on trouve que des gens qui représentent des associations mais qui viennent une fois par mois à des réunions et qui ont une vie complètement différente autour, nous on sentait moins de légitimité en fait pour décider de comment devait se passer la lutte ou des choses comme ça. Et je pense que c'est un clivage sur lequel on peut avoir des oppositions, quoi. 106.3 FPP, vous êtes toujours au programme de la Jungle des Luttes, programme mensuel du CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. On était au mois de juillet au Forum contre les grands projets imposés et inutiles, et donc on continue avec les occupants de l'AZAD. Voilà, qui viennent de nous présenter un peu comment ça se passait dans le mouvement global de lutte contre l'aéroport, entre les différentes associations, différents collectifs, différents groupes, groupements politiques ou autres. Et là, ils vont nous parler un peu plus de comment ça se passe dans le mouvement d'occupation, de tous ces gens qui sont sur le site et qui vivent là-bas et qui essayent de s'organiser là-bas. C'est un lieu assez éclaté, ça représente c'est pas un gros bourg avec beaucoup de gens qui vivent sur le même site, c'est pas mal de zones d'habitation un peu éclatées sur toute la zone qui fait 20 000 mètres carrés, je crois, 2 hectares, quelque chose comme ça. Non, plus que ça, 20 000 hectares, pardon. Et donc voilà, ils essayent de s'organiser, ils vont nous parler un peu de tout ça, de toutes les initiatives qu'ils mettent en œuvre sur place. 200 hectares, non ? Un intermédiaire entre 2 et 2,5, c'est pas 2 heures. C'est peut-être. Ils disent dans l'interview, en tout cas. Des fois, on a du mal, en fait, à bien structurer les choses. Je pense qu'on est parti au départ d'un groupe où on était moins nombreux et peut-être qu'on avait plus de structure collective. On a commencé à faire une réunion hebdomadaire qui continue encore aujourd'hui. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de monde qui est venu sur la zone. On est de plus en plus. Et qu'il commence à y avoir d'autres pôles d'organisation plus décentralisés. Et que la réunion hebdomadaire, là, qui continue encore aujourd'hui, à certains moments, elle est un peu en perte de vitesse aussi parce que les gens, ils préfèrent s'organiser dans des groupes plus restreints ou plus thématiques. Effectivement, il y a des groupes qui s'organisent pour des jardins collectifs. Et du coup, ça regroupe des gens de plein de lieux différents qui s'organisent ensemble. Et puis, il y a des gens qui s'organisent ensemble sur d'autres thématiques. Il y a des projets qui sont plus liés à certains lieux d'habitation. Il y a la ferme du Sabot qui fait du maraîchage, qui a été créée suite à une manifestation qui avait été organisée il y a 2 ans en partenariat avec le réseau Reclaim the Field. Il y a 1 an d'ailleurs, oui je rajoute. Il y a 1 an, c'était en partenariat avec le réseau de Reclaim the Field, qui est un réseau de paysans sans terre. Et du coup, c'était assez chouette. On avait défriché collectivement une parcelle qui était en friche. Hein. Et puis depuis, bah, c'est resté en maraîchage. Voilà, je pense que ça fait un peu un lieu de repère aussi pour des gens extérieurs au mouvement des occupations parce que beaucoup de gens avaient participé à cette installation et puis parce que y a des gens qui viennent prendre des légumes régulièrement. Ouais, moi j'habite pas sur la ZAD, hein, j'habite à Nantes. Donc j'ai un regard extérieur et j'ai quand même l'impression que bon, la ZAD est très, comment dire, les habitants qui occupent, hein, les gens qui occupent, c'est quand même, ça représente une très faible force politique, quoi. Hein. Il y a très peu de capacité politique de porter une analyse ou un point de vue. Hein. Alors, ça fourmille. Il y a ça, il y a effectivement une expression dans tous les sens. Mais par contre, pour unifier toutes ces forces-là, pour peser et pour être pris en compte par la coordination anti-aéroport, là, c'est quand même une autre paire de manches. La manifestation du 24 mars, par exemple, où tu as évoqué la place des occupants dans le cadre de la manif. La place des occupants, en fait, ça a été un pôle. Bon, on dira rapidement, je sais pas comment le qualifier, mais qui était porté fortement par des militants politiques venus de l'extérieur, qui ont proposé des affiches, qui ont proposé des initiatives. Et c'est autour de ça qu'une apparition publique de la ZAD s'est faite un peu de façon informelle, quoi. Mais en soi, la ZAD, c'est assez paradoxal comme réalité, quoi. Je sais pas si on a précisé ce qu'on appelle la ZAD, c'est la zone d'aménagement différé, qu'on appelle aussi zone à défendre, et c'est la même chose que le mouvement des occupations, enfin le mouvement des occupations, il se fait sur la ZAD, et du coup on utilise le terme ZAD ou mouvement des occupations indifféremment. Disons que c'est la zone qui est réservée, le périmètre qui est réservé à la construction de cet aéroport. Et qui est vaste, quoi, qui fait 2000 hectares, ça veut dire 10 km sur 2, grosso modo. Enfin, si on fait un rectangle, c'est 10 km sur 2. Bah, moi je pense qu'il faut le prendre, enfin que je pense que c'est un truc qui est pas évident à voir en particulier de loin là, mais que ce mouvement d'occupation c'est pas un mouvement où il y aurait plein de gens qui s'organisent en commun avec des objectifs clairs communs, quoi. C'est plutôt plein de gens qui viennent de plein d'endroits et avec des groupes qui tentent de s'organiser ensemble et d'autres groupes qui s'organisent sur d'autres trucs et avec des tentatives de coordination là, comme le camarade disait, sur des réunions hebdomadaires, mais en fait c'est hyper hétérogène. Ce qui à plein de moments sont des richesses, mais à plein de moments, comme le disait le camarade de Nantes, ça fait aussi des trucs où en fait c'est pas une force collective unique, quoi. Et ça, je pense, c'est important à voir de l'extérieur aussi. Et quand on voit des messages ou des trucs, c'est que en fait il y a quelques groupes, il y a plein d'individus, il y a plein de lieux, mais c'est pas un mouvement uni où tout le monde aurait une stratégie et serait d'accord pour la suivre. Plutôt plein de trucs dans tous les sens avec tous les trucs chouettes que ça crée et puis tous les trucs chiants que ça crée aussi, quoi. Bah, actuellement, il y a quand même une tentative, il y a un groupe qui s'appelle Hors Piste, qui est en train de, d'essayer de se construire et de porter justement une vision, une perspective. Mais c'est hyper minoritaire, c'est quelques personnes. C'est un groupe parmi d'autres, il y a d'autres groupes qui s'organisent aussi, qui portent d'autres messages. Oui, mais ce groupe-là, il est identifiable, il le revendique, il a organisé des réunions et il a signé des textes. Et ça, c'est quand même, c'est comme ça, en fait, que quelque part, il y a un tissu politique ou un tissu social qui peut se reconstituer. Pour, sinon, si tout est fluctuant, si c'est juste un magma, comment les gens peuvent se situer par rapport à telle position, telle, bon, ouais, c'est une polarisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des axes de force, ou enfin, il y a, et, c'est comme ça, en fait, qu'à un moment donné, il y a une évolution d'un mouvement. Sinon, c'est un peu impalpable, quoi. Ben, nous, on est quelques-uns à penser que c'est justement le, dans cette situation où le mouvement, il grossit et où il y a de plus en plus de gens et peut-être de moins en moins d'évidence de commun politique, c'est un peu le moment où il faut que se développent peut-être des groupes au sein de ce mouvement qui tentent plus de se coordonner que d'essayer d'avoir un consensus qui finalement est un consensus où on ne sait jamais très bien qui est-ce qui est partie prenante de ça et on ne sait jamais très bien non plus qui est-ce qui va faire en sorte que les décisions ou les trucs qui ressortent du consensus soient faits actuellement. Et du coup, c'est vrai que peut-être il y a un mouvement qui est en train de se réaliser ou qu'en tout cas on est quelques-uns à avoir assez envie qu'il se réalise, de passer d'un truc à avoir des espèces d'assemblées à un truc où il y a plus des groupes qui essaient de se coordonner. Après, c'est pas encore fait, quoi. En soi, occuper des terres sans titre, c'est déjà drôlement contradictoire avec un milieu paysan qui est quand même enraciné et puis qui s'estime légitime sur des terrains qu'il possède depuis des siècles. Hein. Mais ouais, mais le droit à la terre, elle est pour tous. À tout à fait, tout à fait. Donc déjà, le fait d'occuper, venir occuper la ZAD, c'est en soi une critique en acte de la propriété par les multinationales, de bon comme tout ce qui se passe actuellement sur la planète, où on sait qu'il y a plein de grands projets industriels et miniers, etc., où ils virent les paysans à coups de flingue, etc. Alors que là, c'est vraiment bon, ben ça se passe sur un territoire dans l'Hexagone, et puis c'est même sans qu'il y ait de position politique claire et explicitée, c'est Il y a ça, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça coince un petit peu avec la coordination, qui est quand même une population rurale qui regarde d'un drôle d'œil des gens arriver comme ça dans son pays. Et puis, c'est dans les faits, ça. En soi. Bah, le squat, ça existait déjà avant, je pense, parmi les agriculteurs, mais ils appellent pas ça squat, ils appellent ça entretenir la parcelle d'à côté pour rendre service à... Et le fait de faire le point un peu dans les friches, je pense que ça s'est fait déjà depuis très longtemps, en fait. Akuma, Vin, Hadi, Tudor hai serios am opral, bare bashabdera catare România sam, cataro bacheos, ton bachtale romale, avenamenza, menachos ale cricesa, tol bachtalo monachos o criculos. Bahtasa hai dovlesa. Ai chon dovlesa prala. Davai! Heba! Heba! só não te dá, não te caixer. É que é. FPP, fréquence Paris Pluriel, donc la jungle des luttes, programme mensuel, troisième lundi du mois. On est le programme du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est retransmis le jeudi matin pour ceux qui ne pourraient pas nous écouter jusqu'à la fin ou qui n'ont pas écouté le début. Et éventuellement donc sur le site cspcl.ouvaton.org. Donc ça n'a pas changé. On est toujours donc cspcl.ouvaton.org avec un site avec plein de petites informations. Vous pourrez retrouver éventuellement ce programme un peu plus tard, le temps qu'on fasse la mise au point. Et donc on continue toujours avec les occupants de la ZAD, donc région de Nantes, sur l'emplacement d'un aéroport international éventuel. Et il y a la bagarre autour de tout ça. Et puis, on nous le disait, ça va au-delà justement de la lutte contre juste l'aéroport international, mais aussi contre un système, un mode de vie, la question des énergies, et puisque c'était à l'occasion d'un grand forum contre les projets inutiles et imposés. Et la question de l'énergie est revenue souvent. On en a déjà parlé donc au mois de juillet, justement, puisqu'il y avait des thématiques autour des questions de l'énergie, de l'utilité donc de ces grands projets. Enfin, et surtout donc de leur inutilité. Donc, on continue avec les occupants. On est sur une dernière partie de l'interview. Je laisse Greg nous présenter la fin. Ouais, donc voilà, on commence à avoir un aperçu assez clair de ce qui se passe sur place, de comment s'organisent les luttes, de comment ça s'est passé jusqu'ici, une autre lecture aussi un peu des actualités, de tout ça. Alors là, du coup, la question qui s'est posée, c'était... La suite, qu'est-ce qui va se passer, les projets, les mobilisations à venir, qu'est-ce qui leur semble important pour eux dans la suite, notamment autour de la mobilisation de la population de la ville de Nantes, qui est la principale caution à ce projet, mais qui ne se sent pas forcément directement concernés par ce qui va se passer à Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, dans la suite, ils vont un peu nous expliquer tout ça, comment ce projet s'inscrit dans des démarches un peu plus larges, comment lutter contre ça, quelle suite à donner à toutes ces manifestations. Ils vont aussi un petit peu conclure cette interview parce qu'elle fallait bien s'arrêter au bout d'un moment et donner quelques informations de contact et des événements éventuels à venir, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour soutenir la lutte, etc. Et voilà. Voilà un peu ce dont il va être question dans cette dernière partie de l'interview. On y va. Le projet qui est en cours depuis un an et qu'on ne sait pas s'il se réalisera un jour et ni quand, c'est cette manif de réoccupation, de dire si à un moment il y a une vague d'expulsion, on revient un mois après en manif pour reprendre des lieux sur la zone et pas lâcher la zone comme ça. Du coup, voilà, il y a cet appel qui court pour un jour, pour 4 semaines après une vague d'expulsion. Alors, peut-être on ne sera jamais expulsé, qui sait, on gagnera peut-être avant, et peut-être pas. Et c'est le gros truc qui court pour l'instant. Après, j'imagine qu'il va falloir se poser la question de quelle espèce de truc de grande ampleur on met en œuvre pour 2013. Mais il n'y a absolument rien de clair là-dessus. Et après, on est dans des temporalités assez courtes de réaction à des procès, à des travaux, à des enquêtes publiques, à une multitude de choses qui se passent, parce qu'un projet d'ampleur comme ça, c'est une multitude de choses, de tel truc qui prend des décisions, tel travaux, telle information, et ça c'est assez difficile, enfin c'est dans des temporalités très courtes, du coup on peut pas dire dans un mois on sera sur tel truc ou sur tel truc. En tout cas, il y a cette question des expulsions là qui prend un peu de place aussi. Aussi bien, ça fait un an que des occupants squatteurs sont expulsables ou sont passés en procès, et que ça se dessine plus clairement là, une volonté de virer les occupants, mais que maintenant il y a aussi des procès par rapport à des habitants qui sont là depuis du temps. Et que ça concerne plus de monde en fait. On est plus nombreux à être sans bail. La semaine prochaine, il y a un procès pour une famille qui habite sur la ZAD depuis 15 ans et qui est menacée d'expulsion. Donc il y a un rassemblement mercredi. qu'on va y aller. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine. C'est, oui, cette semaine, pardon. Demain. Oui, cette semaine. Oui, après-demain. Et. Il y a aussi, je sais pas, des manifs mensuels qui se passent à Nantes maintenant pour déplacer la question sur Nantes. Enfin, ou la déplacer, je sais pas, c'est qu'elle devrait exister plus fort sur Nantes. Et chaque mois. Ça... Mais vous avez genre premier samedi du mois, je sais pas, ou non, vous avez pas une. Je sais c'est plus quand c'est. Alors on a lancé ça au mois de juin, on est un peu pris, on est un peu coincé avec l'été parce que. On était un peu optimiste et puis que au lieu de samedi 14 juillet, on voyait pas une manifestation samedi 14 juillet, donc on l'a fait le vendredi 13 juillet à 18h, place du Commerce à Nantes. Et Place Royale. Désolé. Enfin, c'est deux grandes places toutes proches à Nantes. Tout à fait, Place Royale. Bravo. La formation passe bien. Et donc, on recommence en septembre. C'est le dernier samedi de chaque mois en septembre. Et après, octobre, novembre, etc. Et pour essayer d'amener la population nantaise à venir exprimer son refus et pour essayer de continuer à être présent. Aussi pour développer sur Nantes une certaine mouvance de refus à l'aéroport. Parce que faut bien voir quand même que le refus il est centré sur Notre-Dame. Hein, et sur la ZAD, et la population nantaise voit pas trop n'est pas forcément très très mobilisée, quoi. On leur balance des trucs sur les bruits des avions, oui, bon, les bruits des avions, les risques, bon, il y a plein de grandes capitales où il y a des avions qui passent dessus et qui se cassent pas la figure, hein. Dans ce cas-là, il faudrait fermer un paquet d'aéroports dans le monde. Ça peut être une bonne idée aussi. Oui, mais en tout cas, c'est pas un vrai enjeu par rapport. Le vrai enjeu, c'est la réorganisation de toute la région Nantes-Saint-Nazaire avec des nouvelles superstructures, des nouvelles infrastructures industrielles et puis de transport, etc., etc. Pour le capitalisme du 21e siècle, quoi. Et donc la population nantaise, il y a même des projets de changer la population nantaise, parce que il compte 100 000 nouveaux arrivants dans les 10 prochaines années, et il y a une opération qui s'appelle une biennale d'art qui se tient depuis 2009, 2008, 2010, 2012, et où ils ont essayé de mettre en valeur les agglomérations entre Nantes et Saint-Nazaire de façon à attirer vers des bleds comme Couëron, et ainsi de suite, quoi, jusqu'à Saint-Nazaire, de façon à changer littéralement la population nantaise, quoi. De façon à ce qu'il n'y ait plus ce type de population qui est capable d'avoir des grands mouvements, des grandes réactions, quoi, et d'avoir des gens qui viennent chercher une ville moderne, branchée, culturelle, avec des innovations, avec un centre-ville piétonnier, bon, avec aussi le prix du mètre carré qui va avec, hein. Mais ça, c'est avec des gens qui sont à un certain niveau, de compétences professionnelles dans la communication, dans la création, vous voyez ce que ils appellent ça, des classes. Oh, c'est beau, les classes créatives. Et ça, c'est un projet qui est dans le SCOT, schéma d'orientation du territoire. Ouais, et ça a été clairement formulé en public, où ils voulaient carrément changer la population. Donc, Des bourgs de campagne, ils ont dit sur des bourgs de campagne, le premier mouvement, c'est qu'il y a des gens qui s'installent en pavillon et tout ça, des gens qui travaillent plus sur Nantes ou quoi, qui s'installent en pavillon et transformer la population, en fait. Avant de pouvoir installer des infrastructures plus lourdes, et en fait que ces populations-là s'installent, ça permet d'avoir l'espace tranquille à pouvoir installer des infrastructures plus lourdes, des routes, des je sais pas quoi, des ponts, des aéroports ou des supermarchés. Des trains à grande vitesse, des réseaux ADSL, etc. Et c'est ça qui est terrible derrière ce projet d'aéroport, c'est ils veulent prendre la population comme de la pâte, et ils veulent la modeler, ils veulent l'envoyer par-ci, par-là, la changer, mettre une autre couleur, c'est vraiment... c'est totalement opaque, en fait, parce que la grande majorité, 99% de la population n'a pas ces informations-là, quoi. Et c'est vraiment changer toute une ville, quoi. La fameuse restructuration, rationalisation de l'espace, comme on dit. Ouais, c'est assez terrifiant. Et du coup, dans ce contexte-là, le projet d'aéroport, c'est C'est qu'une pièce dans la stratégie d'aménagement du territoire de la métropole nantaise, mais ça s'inscrit parfaitement dans ces stratégies-là, en fait, de conquête du territoire, de voir comment renforcer le contrôle de la métropole autour et aussi au niveau international, parce que ça rentre aussi dans la concurrence acharnée que les métropoles se livrent entre elles pour être la plus belle ville avec le plus bel aéroport et qui développe le plus beau tourisme. Là, en ce moment, à Nantes, il y a un formidable truc qui s'appelle le voyage à Nantes. Hein, et pour attirer des touristes. Et puis, il y a un parcours alors, avec une ligne rose qui te montre où est-ce que tu dois aller et où est-ce que tu dois pas aller. Donc, du coup, tu suis la ligne rose. Et je pense même les Nantais, ils sont invités à venir observer leur propre ville sous un autre regard. Et... ouais, c'est ça, c'est montrer un peu où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Et là, tu vois tout un tas d'installations artistiques plus débiles les unes que les autres. Ils ont collé une banane sur le siège du journal Ouest France. Donc, t'as une banane de 5 mètres de long qui est plantée tout en haut de l'immeuble. Et toutes ces conneries, ça coûte 7 millions d'euros quand même. Mais il faut bien se dire que tout ça, c'est aussi dans un truc... plus général, en fait, c'est tout un tas d'initiatives qui finalement sont coordonnées dans ce truc d'attractivité de ce qu'ils veulent construire, une métropole Nantes-Saint-Nazaire, et ensuite ils veulent l'élargir à Nantes-Rennes-Saint-Nazaire. Est-ce que c'est pour en faire un pôle organisateur du Grand Ouest, là, entre guillemets, et à une échelle encore plus large, là, c'est ces espèces de politiques qui, à l'échelle européenne, qu'ils appellent l'équilibrage des territoires, et où, du coup, au niveau de l'organisation, de l'urbanisation et des flux au niveau européen. Il y a cette grande zone qui va de la Hollande et qui descend par la vallée du Rhin jusque vers Chambéry, Lyon, Turin, Genève, tout ça, qui est pour l'instant considéré comme le gros pôle organisateur. Et au niveau des politiques européennes, ils veulent faire ce qu'ils appellent un rééquilibrage du territoire et du coup avoir d'autres pôles organisateurs. Et pour ça, ils ont identifié un axe qui est ce qu'ils appellent l'arc atlantique. Et là-dedans, en fait, la volonté des décideurs politiques ici, c'est de prendre tout ce truc de l'axe atlantique à eux et d'être la métropole de l'axe atlantique. Et du coup, en fait, toutes ces initiatives, pour moi, il faut les lire aussi à ce niveau général, là, ou plus général des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire au niveau européen. Que, en fait, ce qui se joue ici, c'est que les politiques d'ici, ils voudraient bien que cette nouvelle organisation du capitalisme au niveau européen, toute la partie de l'axe atlantique, là, ce soit eux qui en tirent les billes et les profits. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils nous mettent tout ça, quoi. En tout cas, ça, tout ce qui vient d'être dit là, ça prouve bien que la lutte anti-aéroport, c'est pas seulement une question de pré à vache et puis de petits oiseaux, c'est vraiment un choix de société. Et si on lutte ici, c'est vraiment pour que nous et tous les autres habitants de ce territoire, de ce département, de ce pays, s'emparent de leur destin et se préoccupent de leurs affaires et les prennent en main, quoi, face à des gens qui veulent faire du pognon et nous mettre, nous soumettre, quoi. Moi, je veux bien vous donner des sites internet. Hein. Donc, il y a le site de la ZAD, zad.nadir.org, zad.nadir.org, qui est le site du mouvement des occupations, les sites des occupants de la ZAD. Et il y a l'adresse aussi du comité anti-répression dont on parlait, là, qui est à Nantes, qui est un comité de anti-répression sur les opposants à l'aéroport et puis qui s'est élargi depuis. Donc l'adresse, c'est soutien inculpé NDDL, NDDL pour Notre-Dame-des-Landes, en un seul mot. Donc soutieninculpeesnddl. .wordpress.com. Voilà, okay. Pas forcément facile à noter. Un autre site aussi, il y a un site qui fait le lien sur tous les projets contre Vinci et les luttes contre Vinci. C'est stopvinci.noblog, noblog avec un s.org. Et voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et donc, on se donne rendez-vous ici, sans doute, plus tard, l'année prochaine ou avant. Et on invite les gens à venir vous rencontrer. Éventuellement, vous attendez à ce qu'il y ait des gens qui viennent vous rendre visite, par exemple. S'il y a des gens qui viennent, c'est possible, vous pouvez les accueillir. Ou comment ça se passe, en fait c'est possible. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens qui viennent. Après, il faut savoir que nous, on n'est pas toujours très disponible et qu'on n'est pas toujours très fort sur l'accueil. Alors, bon, faut savoir ça, quoi. Moi j'inviterais des gens plutôt à venir quand il y a des appels à des trucs particuliers, où là, il y a une volonté et des moyens mis en place pour qu'il y ait un accueil, pour qu'il y ait des trucs qui se passent. Ou après, c'est pas pour dire c'est impossible de passer, mais c'est pour dire, bah, voilà, si tu passes n'importe quand, et ben, c'est un peu tes risques et périls, quoi. Peut-être il y aura un bon accueil, peut-être il y aura personne. Par exemple, courant septembre, en exclusivité, il y aura probablement un concert avec plusieurs groupes qui sera organisé dans le coin pour ramasser des sous pour les procès. Et donc, ça sera sûrement un moment privilégié pour rencontrer les gens. Bon, ben, on tâchera de faire passer le message alors. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'ils viennent nous expulser, nous, on revient. À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport. Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet. Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport. Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables. Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète. Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture. Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité. Réacteur EPR. Ligne à grande vitesse. Aéroport. Gaz de schiste. Et urbanisme galopant. Rencontre de plus en plus de résistance. Mais politiques et entrepreneurs sont têtus. À Notre-Dame-des-Landes, s'ils viennent nous expulser, nous reviendrons. Le 4e samedi suivant les expulsions. Contre l'aéroport et le monde qui va avec. Grande manif de réoccupation. Pour plus d'infos sur la lutte ainsi que les dates et lieux des manifestations, rendez-vous sur le site zad.nadir.org. zad.nadir.org. Merci aux occupants de la ZAD pour cette interview. Vous aurez compris que sur la fin, c'était leur petit jingle. Donc on peut le réécouter, hein, j'imagine. On pourra le réécouter. Ouais, il est sur le blog zad.nadir.org. Il est téléchargeable. C'est donc un petit jingle qui appelle à une réoccupation après expulsion, si jamais il y a expulsion de tous les lieux qui sont habités sur la ZAD. Voilà, l'idée, c'est on y retourne. Donc, ben, merci de nous avoir écoutés. On n'a pas fini, on ne se quitte pas encore, mais en tous les cas, merci d'avoir écouté justement les occupants de la ZAD. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve, on a encore 10 minutes ensemble. Carriere Gianna Gianire Gianna. 106.3 Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes toujours avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Notre programme mensuel du troisième lundi du mois, retransmis le jeudi matin. Donc la jungle des luttes aujourd'hui, on était donc avec les occupants de la ZAD à Nantes. Et on a donc écouté l'interview de ces occupants lors du forum qui avait été organisé début juillet, lors duquel justement on a pu projeter un film sur Atenco, qui était une lutte au Mexique contre l'implantation d'un aéroport international, une lutte victorieuse qui aujourd'hui a laissé beaucoup de traces avec des gens en lutte et qui donc ont continué de lutter, qui peut-être aujourd'hui vont devoir de nouveau se mobiliser, puisqu'on entend parfois que le projet de cet aéroport pourrait éventuellement reprendre. Donc du coup, il y a eu justement du côté du Mexique toujours cette attention à toutes les luttes qu'il y a autour du monde. Et donc il y a eu justement une lettre qui a été écrite par les gens d'Atenco à Notre-Dame-des-Landes pour les soutenir dans leur lutte, en leur expliquant combien c'est difficile et combien c'est important d'être en fait unis. C'est ce qu'on entendait aussi, c'est difficile d'être différent et de lutter chacun à sa manière, mais pourtant c'est important que chacun garde ses propres modes de fonctionnement et tout en avançant vers le même objectif. Et bon, bah voilà, réussir à trouver ces espaces. Et du coup, à Notre-Dame-des-Landes, finalement, on a passé le forum en tant que tel. Il y avait pas mal de critiques qui pouvaient être faites sur le forum lui-même, parce que c'est toujours très compliqué, la forme forum. Par contre, justement, on a rencontré plein de gens intéressants et très contents aussi de rencontrer ces occupants. Donc, on les remercie à nouveau. Et je remercie également Edwin et Julien, qui sont des copains qui ont souvent été sur Notre-Dame-des-Landes pour voir ce qui s'y passait et qui nous ont amenés à être là-bas, à ce forum, nous, en tant que CSPCL, donc là-bas, et avec Carlos Manso, qui lui est mexicain et présentait justement la lutte contre des éoliennes. Et puisque du coup, il y a toujours des controverses sur la question des énergies, les éoliennes, etc. etc. Et des grands projets. Voilà, surtout. Et donc au Mexique, il y a beaucoup de mobilisation. Et puis au Chiapas également, il y a eu un message des Aberras, qui est une organisation civile, si on peut dire, au Chiapas. Effectivement, il y a eu cette lettre d'Atenco. Il y a eu un petit message vidéo qui a été envoyé de la part de cette organisation, la Aberras, qui est plus ou moins proche des zapatistes et plus ou moins en raccord avec leur position, et qui a envoyé donc un petit message de soutien aux gens de Notre-Dame-des-Landes, qui dernièrement ont fait autant, ont envoyé un message de soutien, de remerciement, etc., aux organisations mexicaines qui leur avaient exprimé une certaine forme de soutien. Et donc vous pouvez lire ce texte sur le blog zad.nadir.org, et donc lire ce texte parmi toutes les autres informations, tous les autres textes et informations aussi sur ce qui va se passer à l'avenir en termes de mobilisation. Toutes ces informations sont disponibles sur ce blog. Il y a aussi le blog de soutien aux inculpés. Alors j'ai un petit trou sur ce que c'est l'intitulé exact, mais vous l'avez entendu et vous pourrez le réentendre. C'est quelque chose comme soutien-inculpé-notre-dame-des-landes.wordpress.com. Et voilà, c'est là-bas où vous trouvez pas mal d'informations sur ce qui se passe autour des occupants, des luttes contre l'aéroport sur la zone. On vous remercie de nous avoir écoutés. On est donc tous les troisièmes lundis du mois sur FPP 106.3, qu'on remercie, et notamment David aujourd'hui de nous avoir assuré la technique. On est tous les mercredis, on se réunit au 33 rue des Vignoles à Paris, donc métro Avron. Donc à 20h30 tous les mercredis soirs, c'est une assemblée ouverte. Là en été, c'était peut-être plutôt désert que ouvert, mais il y a en tous les cas la rentrée qui va venir très prochainement. Donc on vous accueillera tous les premiers mercredis du mois, c'est Auberge Espagnole, donc vous pouvez venir parce que ça veut dire Auberge Espagnole, à boire ou à manger, ou les deux, ou ce que vous voulez. Et voilà, l'idée, c'est un petit peu de se rencontrer, éventuellement, de faire connaissance avec le comité, qui est une assemblée ouverte. Et donc, on discute de l'actualité au Mexique ou ailleurs. et on vous invite à venir partager vos luttes avec nous parfois. Donc si c'est ce qui nous arrive et on est contents, justement ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir avoir des interviews et de vous inviter sur le programme de la Jungle des Luttes. Et voilà, l'idée c'est un petit peu que ça circule justement les informations et que les connexion entre les gens se fasse, et quand on se connaît c'est plus facile d'avancer, même si chacun son mode justement. Et donc voilà, tout, si vous voulez nous il y a le site également, c'est spcl.ovaton.org. et donc à très bientôt, on va se quitter avec le générique. Merci Greg, merci à vous de nous avoir écoutés, et au mois prochain, bye. Paris Pluriel, 106.3 FM. FPP n'a pas changé. 92 n'a pas d'argent. Pas de pub sur FPP, non ? Pas de pub sur FPP. 2012 n'a pas d'argent. Ça enregistre, là. Il n'y a pas de pub sur FPP. 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Pas mettre plus fort 106.3, il y a du bon son là, j'entends rien. Bon, tu peux arrêter. Voilà, c'est bon, on a tout pour celui-là. Alors FPP, hein, 20 années que vous prenez votre pied. Il n'y a pas de pub sur FPP. Dans le vaste désert des ondes, sévissait un cow-boy.